Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Marin, une série documentaire d'Arnaud Contreras réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a un documentariste à l'Oedipe maritime, un penchant pour le bord de mer et quelques clichés qu'on voudrait dépoussiérer. Il y a l'appel du large romantique, le quotidien des lycées maritimes, les femmes face à la pêche qui disparaît et des entreprises familiales. Mais il y a aussi la mer qui devient mauvaise, des opérations de sauvetage héroïques et la drogue qui sert parfois à calmer la peur. Alors pour commencer, les personnages. Une pêcheuse qui déroule, une patronne de pêche, sa fille qui largue, un père qui passe la main, une mère matelot, une chercheuse en sciences sociales, des conjointes sans statut professionnel officiel, des hommes qui travaillent en famille, une fillette qui jouait dans les ports de pêche et des pêcheuses irlandaises. Ensuite, le décor. Des gilets de sauvetage, la rade de Brest, un petit bateau de bois rouge, une drague, la pêche au lieu, la trace des parents, un métier qui disparaît, le calme du petit matin, faire ses preuves, le travail, la peur de ne pas être à la hauteur, le froid, la fatigue, la solitude, la peur, le huis clos d'un bateau, une petite pêche, du capital mal partagé, des calendriers et des réglementations. Aujourd'hui, deuxième épisode, on sort les avirons. Femme de mer. Arnaud Contreras, Guillaume Baldi. Un peu à la bourre. Vous avez... Pour mettre des brassières obligatoires, tu mets ça comme un, ouais, comme un gilet. Alors bonjour, je m'appelle Erel Pellé, je suis pêcheur professionnel en rade de Brest l'hiver et en mer d'Iroise l'été. Non, ici sur ce banc là. Moi je m'en vais. Non, les pieds devant le banc. Voilà, une en dessous. Alors ici, on est au port de Portsbert, au fond de la rade de Brest, sur la presqu'île de Logonadaoulas. Et je travaille sur un petit bateau rouge qui s'appelle le String Keres 2. Ça veut dire l'éclabousseuse d'eau. C'est le nom de la barge ronette en breton. Stringé, c'est éclabousser, et d'our, c'est l'eau. 6h30, frais matin dans un port de Bretagne. Nous filons d'où ? La veille, au téléphone... RL Pellé nous a prévenu. Ok, je vous embarque, mais pas pour parler de trucs de femmes. Je suis pêcheur, vous me parlerez comme un pêcheur. Et après, on verra si je vous parle. En une phrase, RL a résumé notre intention. Écouter des voix de femmes, investies dans le milieu de la pêche en mer, de la pêche sur les côtes. Des professionnels qui veulent être entendus, reconnus dans leur métier, au même titre que les hommes. 7h30, regard brumeux sur moi. Nous filons d'où ? RL, patron pêcheur et jeuneux, sa maman, son matelot, nous emmènent en annexe vers leur bateau, en godillant, ferme. Attendez. Vas-y, passe. Alors ici, j'ai le câble qui pose au milieu, là. Ok. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller cette drague et chercher la drague avec laquelle on travaille aujourd'hui. Donc du coup, donc je vais vous demander de rester de ce bord-là pour l'instant et après. Mais là, ouais, je nous dis. Là où vous pouvez. Là c'est bien. Là c'est bien. Sur le bord. Là tu es très bien toi. Et toi, je sais pas, tu te mets sur le bord là. Où t'arrives de. Non, je m'en vais. Ou pas ? dit. Ça va, tu m'avais prévenu. Je peux rien faire là. Y'a pas de larguer pendant que je déroule. Je peux rien faire. C'est un bateau en bois rouge qui a 51 ans cette année. Il fait 8 mètres. C'est un bateau qui a été construit à Douarnenez, donc au chantier Tanguy. Il appartient toujours d'ailleurs à mes parents, à mon père. Voilà. Quand ils l'ont acheté, j'avais 8 ans. 9 ans. Donc voilà. Mais dire quoi, si on allait au lieu à Saint-Louis, pêcher plein de lieux, c'était bien. Et à un moment donné dans la vie, il faut trouver du travail, et puis quand on n'en trouve pas, ben, c'est facile de continuer ce qui est déjà en place. Et ben là, en l'occurrence, j'avais la chance d'avoir mes parents qui travaillaient ensemble sur ce bateau, et donc c'est quelque chose que j'aimais bien, et puis c'est vrai qu'il y a un moment donné, ben, faut faire quelque chose, et puis ben, ça, c'était pas mal finalement. Donc voilà, et aujourd'hui ça fait 12 ans que je suis patron sur le bateau de pêche. J'ai commencé à 25 ans à être patron. Et avant, bah, j'allais quand même. J'étais matelot, mais avant j'ai toujours été en mer avec eux. En fait, depuis que je suis toute petite, j'embarque avec eux. Donc c'était un peu. Enfin, je me suis pas dit je veux faire ça de ma vie. C'était la suite logique des choses. Papa avait l'âge de la retraite en fait. Mais bah après, je suis allée passer les diplômes de patron. Donc du coup, quand je suis sortie de cette école-là, c'est moi qui a été mise sur le rôle comme patron. Mais papa est venu en mer avec nous. Enfin, il vient toujours de temps en temps. Mais au début, il venait régulièrement pour s'assurer que je savais bien faire. Maintenant, il vient pour nous filer un coup de main. Il me dit « Non, l'ai fait, toi, tu sais mieux faire que moi ». Elle est allée à l'école, puis son père lui a dit « Bon ben, maintenant je crois que tu sais faire, t'as qu'à y aller. » Je m'appelle Geneux, je suis embarquée depuis 84, et je suis la mère d'RL. Voilà. Qu'est-ce que vous avez transmis à RL du point de vue de la mère ? Eh ben ça, je sais pas. Savoir-faire. Oui, c'est un savoir-faire parce que déjà elle commençait et moi j'étais un matelot expérimenté donc elle était plus à l'aise. Si tu commences et que tu es obligé aussi de former ton matelot, c'est plus compliqué. Tandis que là, maman elle avait un matelot derrière donc plus facile de s'occuper. Tu as vu, le métier n'est pas facile. La pêche à l'avant, à la cabine, il faut faire gaffe, s'occuper de plein de choses. Donc si la personne qui est derrière le matelot sait faire, ben voilà, c'est encore plus simple. Enfin, ça simplifie largement la tâche. Qu'est-ce qui a changé entre votre génération et sa génération ? Ben, peut-être le nombre de bateaux déjà. Hein, ça diminue beaucoup. Tous les ans, il y a deux ou trois petits bateaux de pêche ici qui arrêtent. Enfin, c'est pas renouvelé, voilà, c'est ça. Avant, on voulait vendre son bateau. Il y avait plusieurs personnes à arriver. Là maintenant, Bon, les gars, ils choisissent d'autres pêches, peut-être, parce qu'il n'y a pas... Ben, je sais pas, la petite pêche, c'est plus compliqué. Et puis, il y avait beaucoup de jeunes à vouloir faire la pêche, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est plus compliqué d'être pêcheur, maintenant. Voilà. Il y a plus de contraintes, beaucoup plus de contraintes. Et puis, ben, justement, comme il y a peut-être un problème de ressources et de réglementation et tout ça, ben, tu ne retrouves pas la liberté que tu avais quand tu commençais pour les gens de notre âge. Quoi. C'est plus, ça te paraissait plus positif, tu avais moins peur. Et puis, si tu te plantais, ben, tu vendais ton bateau, tu faisais autre chose, c'était faisable. Maintenant, il faut être un peu plus sûr de son coup et puis plus de réflexion, moins de spontanéité, peut-être. Réfléchir et prendre des risques financiers, machin. À notre époque, il y avait moins ça, mais pour tout. Tu pouvais quitter ton boulot, tu trouvais des boulots dans les jours après, enfin, voilà. Puis à la pêche, tu pouvais changer, tu pouvais vendre, tu pouvais acheter, c'était plus, moins... Voilà, c'est plus rassurant, on va dire. Bon, un peu de tristesse, parce que c'est le déclin. En tout cas, pour le petit métier, pour nous, les petits bateaux. Ouais. C'est ça. Ce serait bien qu'il y ait plein de gens de son âge, de plus jeunes même, qui puissent faire le petit métier comme on l'a fait, ouais. Dans les ports, continuer à garder le patrimoine, continuer parce que ça marchait, que c'était possible... Il faut. Moins il y aura de monde, moins ça restera. Et puis voilà, c'est dommage. Est-ce que c'est possible ? Je suis Katia Fringoudès. Je suis chercheure en sciences sociales et je travaille sur le monde maritime et en particulier les femmes. En France, les femmes se sont organisées dans les années 90, le moment qui a eu la grande grève de la pêche, et où elles ont créé en fait un groupe de solidarité pour soutenir les pêcheurs en grève. Et une fois la grève terminée, elles ont pensé que ça aurait été bien de continuer. Donc, c'est à partir de ce moment-là, elles ont commencé à demander aux hommes et aux femmes politiques au niveau du Parlement européen, parce que la loi pêche, elle était en discussion, un statut pour les femmes des pêcheurs et des ostréiculteurs. Ça n'existait pas le statut des conjointes collaborateurs. Et collaboratrice, en l'occurrence. C'est un statut qui est demandé par le mari, qui est le chef d'entreprise, et c'est en fonction de sa volonté ou de son choix si sa femme devient conjoint collaborateur ou pas. Le statut a été modifié en fait en 2008, avec une nouvelle loi, la loi de modernisation sociale. Et depuis, il est obligatoire pour toute personne qui contribue à l'entreprise de pêche ou de cochiliculture. En fait, avec ce statut, elles peuvent bénéficier des congés de maternité. En même temps, elles peuvent obtenir une petite retraite. Ça représente une toute petite retraite. Hein. C'est peut-être 400 euros. C'est 500 euros. Et en plus, une fois que ton conjoint part à la retraite, tu ne peux plus continuer à cotiser puisque c'est le mari qui a l'entreprise. C'est en même temps, cette retraite est symbolique en réalité parce que c'est une manière de montrer que les femmes font quelque chose dans la pêche, parce que pendant des années, on n'a jamais voulu voir que les femmes faisaient quelque chose dans la pêche. une femme pêcheur, elle dit « je suis pêcheur et je ne suis pas une femme pêcheur ». La pêche s'identifie à l'homme, au masculin. Donc c'est une activité qu'on considère masculine. Et donc, est-ce qu'il y a pas des choses à faire pour changer aussi cette image et justement pour permettre à des femmes d'entrer dans ces métiers qui est difficile. Mais enfin, quand on voit les femmes qui sont déjà pêcheurs, on ne peut pas dire que c'est une question du physique qui empêche des femmes d'entrer dans ces métiers. Il a crevé le tuyau là, tu vois, de l'huile hydraulique. Du coup, ben, ça, comme il y a plein de pression, ben, ça pète et puis du coup, le treuil il répond plus parce qu'il n'y a plus de. Ben, il y a plus de commande pour lui, quoi. On est obligé de laisser fuir, si on le passe, il va être prêt, ça va passer. Ben, tu fais attention que notre ami qui est avec toi n'est pas les pieds dedans, Lucas. Je passe ses pieds, il est bon. Il a juste deux. Ouais, ben je préférerais qu'ils reviennent par là. Dans ces cas-là, je préfère qu'ils reviennent par ici. On peut pas lever la drague, là, elle est au fond. Là. Catherine Poulard, quel est le regard à l'époque des marins que vous côtoyez? Quel regard est-ce qu'ils ont sur vous? Il faut dire qu'en Alaska, il y a plus de femmes qui pêchent qu'en Europe. Beaucoup plus. Le regard des hommes, lorsque j'ai embarqué, bah, certains étaient peut-être un peu... Je vais avoir quelques doutes par rapport à mon gabarit. Mais ce n'est pas un problème. De toute façon, il fallait que je fasse mes preuves. Si je n'avais pas été suffisamment bonne, on m'aurait tout simplement débarqué en poche un retour en ville. Oui, ces hommes étaient plutôt indifférents. La seule chose qui compte, c'est le travail. Ils n'avaient déjà la tête qu'à cela. Et petit à petit, ils sont devenus... Je les ai trouvés bienveillants, je les ai trouvés bons. Mais, pour certaines personnes n'auraient pas supporté. Les hurlements, se faire attraper tout le temps, se faire prendre sa couchette, bon c'est un détail, mais les hurlements, certaines femmes n'auraient pas supporté. Vous voyez comment on me traite, alors que c'est l'apprentissage qui fait ça. C'est un apprentissage dur. Ben, il faut payer. Pour apprendre. Mais en tant que femme, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on en fasse davantage. Je manque sans doute de distance étant une femme. J'avais une telle inquiétude de ne pas être assez bonne. Et je l'ai eu toute ma vie de pêche, je l'ai eu pendant 10 ans. Mon dernier embarquement, j'étais quand même un matelot qui était reconnu. Mais malgré tout, chaque fois, j'avais vraiment cette... Parfois, je n'endormais pas la nuit. Est-ce que je vais être capable? Je ne suis pas assez forte, je ne suis pas assez... Bon, la première difficulté, évidemment, elle est physique. Il faut sans cesse pousser son corps plus loin. Il faut avoir froid, il faut avoir mal, il faut avoir faim, il faut avoir sommeil, il faut... Ce sera du masochisme, on me l'a dit plusieurs fois. Mais pour d'autres, au contraire, c'est une manière de se surpasser, de surpasser ce corps, d'aller toujours plus loin. Et puis il y a quand même un effort mental, parce qu'on est parfois extrêmement seul. On peut se retrouver envahi de peur, envahi d'angoisse. On a peu dormi ou on n'a pas dormi. On est extrêmement fatigué. Les autres sont fatigués aussi sur le pont. Il ne faut pas oublier que un équipage est une micro-société. Et dans toute micro-société, surtout lorsqu'on vit en huis clos, il faut presque toujours un bouc émissaire. C'est un équilibre. Je crois qu'on retrouve dans toute société. Donc parfois, lorsqu'on est extrêmement fatigué, il arrive qu'on ne croit plus en soi. Et là, il faut être extrêmement, extrêmement fort pour ne pas se laisser emporter par cette vague d'angoisse. qu'elle ne déborde pas. Et avec ces hommes aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on arrive à... Justement, il faut passer par l'épuisement, par le... Être comme essouré par la laminé, par l'effort et oui, l'épuisement. Alors, il n'est plus question de genre. On s'endort sur nos couchettes les uns à côté des autres, enfin, dans cet habitacle étroit et moite et... On est comme des petits animaux, là, qui dans la même chaleur, la même... Et c'est bon, c'est une vraie famille. Alors c'est quoi ça? C'est dans la mare. Il y a du merle. Des arbres. Mais là je peux pas plier parce que on est ménagé. La petite pêche, elle attire plus beaucoup. Donc on est moins nombreux. Donc en plus ici sur le gisement de Rade de Brest, ben c'est vrai qu'on a connu une petite hécatombe ces 5 dernières années du fait que on puisse plus pêcher des coquilles puisqu'il y a une toxine qui s'installe dans le ventre de la coquille en fait, dans une partie qu'on mange pas, mais qui fait que ça réglemente beaucoup la pêche ou ça peut même l'interdire à des fortes taux. Et du coup moi, quand j'étais gamine, il y avait 110 bateaux à Rade de Brest à travailler. Et quand j'allais en mer avec mes parents, c'était un vrai balai. Tous ces bateaux qui travaillaient ensemble. Et aujourd'hui, on est 38. Alors, voilà, l'ambiance, oui, elle a changé. C'est moins convivial parce que on est moins nombreux. Et ne serait-ce que l'année dernière, dans le port ici, on était encore 8 bateaux. Et cette année, on n'est plus que 3. Donc oui, effectivement, c'est moins convivial, mais c'est différent. Mais bon... les gens sont partis en retraite et puis d'autres ont vendu le bateau parce que c'était plus très intéressant. Mais il y a des choses à faire pour aménager les pêcheries pour que ça refonctionne. Ça, c'est... Il y a moyen encore de faire des choses. Mais il faut être unis, il faut faire tous ensemble et il faut aller dans le même but. Je sais pas si ça attire moins, mais en tout cas, le monde est moins tourné vers la mer aussi. Aujourd'hui. On voit plus comme on voyait quand moi j'étais gamine ou même enfin et encore moi je pense qu'on était les dernières générations à vivre dans les ports, à jouer dans les plates, à aller tout seul avec son aviron au port et jouer. Aujourd'hui on voit plus ça. Les vocations elles se transmettent pas, puis en plus on peut pas vraiment facilement emmener du monde en mer avec soi puisqu'il y a des réglementations. Donc pour créer des vocations, c'est très compliqué en fait parce que on peut plus montrer comme avant le métier. Bon, moi, je m'aperçois beaucoup que les gens nous posent des questions sur la pêche, ils ne connaissent pas. Alors, on n'a pas l'impression d'être vraiment bien compris dans l'idée, dans la réflexion, tout ça. Ils croient comprendre, et puis quand on entend ce qui se dit, après, on est bon, c'est du vent, quoi. Non, mieux fait de pas le garder pour nous. Enfin, ou de. Bon, je ne sais pas trop comment leur expliquer parce que j'ai l'impression que, que les gens ne comprennent pas en fait. Il y a on quitte le bateau, on quitte un monde et même expliquer, c'est pas facile parce que même si les gens disent qu'ils ont compris, on sent qu'il manque une petite nuance. Voilà. Par exemple, avec les stagiaires qui viennent avec nous, des fois, on a des bonnes discussions, c'est vachement intéressant. Puis on apporte toutes les deux, RL à être actuellement avec l'avenir. Puis moi, en fin de carrière, je peux aussi transmettre leur transmettre des trucs. Ouais. Si, ouais, c'est peut-être mieux. Là, on a mais. 6 bacs à ranger. Je crois que c'est un fait de société. C'est patrimoine, machin, que ça se perd. C'est notre façon de vivre. C'est un fait de société. On le voit partout. On voit partout, peut-être que d'autres moins petits pêcheurs, moins petits artisans pourraient dire la même chose. Ceux qui ont déjà peut-être un peu de recul, une carrière assez avancée, ceux qui sont capables de faire des comparaisons et tout ça. On est dans une période difficile, vachement difficile. Moi, j'estime que je gagne ma vie, je suis pas riche, mais en tout cas, j'ai une qualité de vie qui me plaît. Parce que je suis près de la nature, parce que je peux vivre, enfin, je comprends ce qui se passe dans mon milieu. Et ça, pour moi, c'est gagner ma vie, parce que intellectuellement, c'est intéressant. Après, ça dépend ce qu'on entend par gagner sa vie. Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on aime, mais avec une qualité de vie et des choses qui nous plaisent? Ou est-ce qu'on veut avoir plein de sous pour s'acheter un gros 4x4 noir comme tout le monde et pouvoir avoir 5 écrans plats dans sa maison? Après, ça dépend comment on veut pêcher. Hein. On peut sûrement encore s'acheter des gros 4x4 noirs quand on est marin. Il faut avoir le bateau qui va avec aussi et pouvoir... Alors, je vais dire, c'est un peu vulgaire, mais des fois, avoir les couilles, le courage quoi, de, bah, d'investir. Et c'est vrai que quand on voit, en tout cas, moi, sur le métier que je fais, bah, on est plutôt sur le déclin. Alors, c'est sûr que bah, là, par exemple, j'ai deux collègues qui sont partis en retraite avec des bateaux qui me plaisaient et que je pense que j'aurais très bien travaillé avec. Mais je n'ai pas osé investir le prix de ces bateaux-là parce que je sais que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir rembourser sur les pêcheries que j'ai choisi de faire des bateaux à 150 000 euros. Il y a toute la partie propriété. Propriété du navire, propriété des quotas. En France, on n'a pas des quotas individuels transférables, mais dans d'autres pays, on a. C'est le cas de la Hollande, c'est le cas de la Norvège, où en fait, les quotas étaient donnés aux bateaux. Et donc, tous les droits à produire sont dans les mains des hommes, hein. C'est pas dans les mains des femmes. En cas de divorce, les femmes n'ont rien, ou à moins qu'ils les réclament. Et on sait qu'en Islande, où on a des quotas individuels transférables, quelques années après leur mise en application, et dans beaucoup de cas de divorce, le tribunal a eu à juger sur qui a droit au quota, à qui appartiennent les quotas. Mais en général, les quotas sont liés au navire. Donc, étant donné que les femmes ne sont pas propriétaires des navires, ou très peu, n'ont pas accès aux quotas. Donc, pour les femmes, une fois que leur vie conjugale se termine, il y a un problème, quoi. En Norvège, en fin de compte, elles ont obtenu maintenant la possibilité de garder les quotas. Parce qu'un bateau sans quota, ça ne vaut rien. Ce n'est pas un capital. En cas de décès du conjoint, un bateau ne représente rien. Donc, pour toutes ces femmes, il y a cette question des droits de propriété à qui appartient. Et ça appartient aux hommes, pour le moment. Dans l'ensemble des pays européens. En France, on n'a pas de quotas individuels transférables. Du coup, les droits vont au navire, mais ils appartiennent à l'OP, à l'organisation professionnelle ou à l'État. Donc, on n'a pas la même dimension que dans les autres et les mêmes enjeux que les autres pays où ils ont mis en place les quotas individuels transférables. Parce que là, un bateau, a une valeur parce que on n'a pas beaucoup de permis de mise en exploitation et les quotas sont gérés par les OP et ils ne sont pas vraiment individuels. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux dans les pays où on n'a pas de quotas individuels transférables. Tu vois, la coquille, là, elle sert de support pour les pétons noirs. Et là, il y a un quiton, je crois que ça s'appelle ça. Un quoi? Un quiton. Un bloutac. Un bloutac. Ça colle. On est encadré, si tu veux, par des libérations professionnelles. Donc pour ce qu'on fait ici, eh ben on a un calendrier qui s'étale de octobre à mars en gros. Et du coup, ben sur ces, enfin, pendant ce calendrier-là, on a 30 jours à faire en gros en début de saison et ben normalement quand tout va bien. Et pareil de janvier à mars. Et en fait, on a 30 jours où on a le droit d'aller en mer, mais il y a en gros 35 ou 37 jours ouvrables. Comme ça permet bah, les jours où il fait pas beau, si on a une panne, si voilà. Les heures, elles sont fixes, comme c'est un travail qu'on n'a pas... Après, c'est mieux si la marée... Moi, je préfère quand la marée est basse pendant la pêche, comme ça, on a moins l'influence du courant, tout ça, parce que sinon... Tu vois, aujourd'hui, on était embêtés parce qu'il y a un sens où on allait très vite et un sens où on avançait presque pas. On avançait bien quand même, mais on avançait une fois et demie moins vite. Et du coup, ben, t'as vu, les traits n'étaient pas pareils. Voilà. Donc le courant, il joue aussi sur la pêche, mais nos heures, elles sont délimitées. Tous les matins, c'est 9h, 11h les jours où on a pêche. Et pas 9h moins 5, 11h 5. Hein. C'est 9h, 11h. Les femmes, elles s'occupent plus des activités à terre que les hommes, puisque les hommes, ils font les poissons débarqués et soit ils retournent chez eux pour dormir, soit ils repartent à la mer. Donc en fait, tout ce qui est activité à terre, c'est quelque chose qui, depuis plusieurs années, est une activité des femmes, comme la vente de poissons, la comptabilité pour les épouses des pêcheurs. Toute la partie administrative, etc., c'est fait par des femmes. En Irlande du Sud, nous avons les femmes de l'Irlande du Sud sont les femmes qui se sont organisées en association depuis la fin des années 50, 1950, et pour des raisons de sécurité en mer. En fait, à l'époque, comme il disait, on n'avait pas de téléphone, et donc on savait pas quand les bateaux partaient, on savait pas qu'est-ce qui devenait les bateaux. Donc, ils ont établi, en fait, des liens avec d'autres ports où elles peuvent avoir des informations sur leur mari, si tout va bien, par voie terrestre. Et cette organisation, en fait, elle a duré un certain temps. Et dans les années 90 aussi, elles sont parties sur une lutte sur les droits des femmes dans la pêche, en particulier des conjointes collaboratrices, en fait. Et donc, des ostréiculteurs, parce qu'il y a pas mal d'ostréiculture en Irlande. Mais elles ont eu pas mal de problèmes. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus d'organisation qui représente les femmes en Irlande République. Là, c'était la moitié du dernier. Hello, my name is Kate. Bonjour, je m'appelle Kate, j'habite à Leenane, dans le comté de Galway. Nous avons une entreprise de fruits de mer qui se nomme les fruits de mer du fjord de Killary. Je suis mariée avec Simon et nous travaillons ensemble et vivons ici depuis 1989. Nous avons deux enfants et nous aimons vivre ici. Ce que vous voyez, c'est le fjord de Killary, le seul fjord d'Irlande. Ici, vous avez notre maison, là, une ferme de moutons et notre ferme de moules. De manière traditionnelle, c'est un métier de femme ou d'homme ? De manière traditionnelle, c'est plus un métier d'homme. Cependant, nous avons plus de femmes qui travaillent sur la ferme, plus particulièrement des jeunes femmes. On en parlait il n'y a pas si longtemps avec Kevin, notre employé. Et nous trouvons que les jeunes femmes qui viennent travailler avec nous sont très impliquées, très consciencieuses, et elles veulent vraiment faire bien leur travail. C'est assez impressionnant de les voir. Et physiquement, ce n'est pas un travail si physique que cela, parce que maintenant on a des bateaux avec des grues, c'est plus simple. Dans le passé, les femmes qui travaillaient dans les fermes de moules restaient sur les côtes pour le triage des fruits de mer. Les moules vont sur les unités de triage, puis de nettoyage et d'empaquetage. Mais aujourd'hui, les femmes sont capables de gérer toute la chaîne de récolte. Constance goes to school. On se lève à 7h du matin. Ma fille Constance part en bus à l'école. Demain, nous serons vendredi, ce sera un petit peu différent. C'est en général mon jour le plus chargé. Je prépare mes commandes, je collecte mes commandes pour Simon. Ensuite, je descends à la ferme pour les aider à empacter les commandes et ensuite, je pars faire les livraisons. Je pars d'ici à midi parce que je dois livrer à Westport et à Castle Bar. C'est une journée très chargée pour moi. When I first started mussel farming here in the Killary, there was a co-op and maybe two or three other individuals. Quand Simon a démarré la ferme de moules ici à Killary, il y avait une coopérative et peut-être deux ou trois personnes qui faisaient cela. Maintenant, il y a 24 personnes qui ont des licences et cela a eu un grand impact sur nous. Cela s'est vraiment fait ressentir sur notre production. Je pense que les femmes ne pensent pas au travail uniquement en termes financiers. Je pense qu'elles ont un regard tourné vers le futur et sur les impacts de la surpêche, sur l'environnement et sur leur famille. Et je pense qu'elles regardent l'ensemble de l'activité de la pêche avec un regard plus large. Je ne veux pas non plus dire que les hommes ne pensent qu'à l'argent, mais je pense que les femmes ont un regard plus large à propos de la pêche. En fait, si tous les pêcheurs avaient détruit la ressource, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de la ressource. Et heureusement qu'il y a eu des pêcheurs intelligents et qu'il y en aura toujours. Et qui, enfin voilà, mais c'est dans tous les corps de métier, c'est pareil. Je pense que vraiment, si on a envie de pouvoir pêcher demain, il faut faire attention à ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pas. Je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Pour le paysan, c'est pareil. Pour tout le monde. Sauf que nous, à la pêche, le milieu, ben, il nous appartient pas. Donc, ben, il faut. Si on fait un effort individuel dans son coin, et ben c'est sûr qu'il y a un moment donné, on peut se décourager parce qu'on va se dire, moi j'ai fait attention, et puis l'autre il passe derrière, il en a rien à foutre, il a tout cassé, et puis tant pis, voilà, ça marche plus. Mais c'est trop facile de penser comme ça et de se dire, bah du coup moi je vais faire de la merde aussi. Mais non. Mais quand on a un champ et qu'on est paysan, bah on peut faire ce qu'on veut dans son champ et puis on peut pas dire que c'est à cause de l'autre. Comme j'expliquais et que j'explique souvent, notre métier il est complètement invisible et voilà, ce matin tu as eu la chance de venir avec nous en mer et tu as vu ce qu'on fait et je t'ai expliqué, je t'ai dit ben voilà, là on fait ci, là on fait ça, là tu vois ce coquillage là, il a un problème là, machin, parce que ça nous intéresse et parce que peut-être que oui, on nous donne pas la parole et on nous laisse pas expliquer et que... Mais aussi parce que ben c'est trop facile de dire ben moi je suis que pêcheur donc de toute façon je sais pas donc je vais pas essayer de m'exprimer sur quelque chose qui est pourtant une connaissance comment on dit par rapport au milieu parce que je l'observe tous les jours et que enfin je dis ça je dis je mais c'est l'ensemble des pêcheurs c'est pareil. On a des connaissances de notre milieu que voilà, on sait à quel moment il faut pas faire ça, à quel moment il faut faire ça, et le pêcheur est pas forcément destructeur. Il y a des types de pêche qui sont pas adaptés. Il y a aussi des gens qui font pas attention, mais c'est pas une généralité. Mais malheureusement, peut-être oui qu'on sait pas s'exprimer, peut-être qu'on en parle pas assez, peut-être qu'on montre pas assez ce qu'on fait. Pourtant, on travaille, enfin, en tout cas, les comités des pêches et tout ça, toujours travailler en corrélation avec Ifremer, avec les scientifiques qui s'intéressent à nous. Et voilà, et je trouve ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une bonne émulsion plutôt, ouais. En fait, je pense que les consciences aujourd'hui, elles ont évolué dans le sens où, bah oui, on est tous conscients que l'environnement, il faut y faire attention et que la ressource, elle n'est pas inépuisable. C'est sûr que peut-être que les générations d'avant n'avaient pas ce côté de penser que la ressource n'était pas inépuisable et puis bah, on y va. Mais ici, en Rade de Brest, on est sur un gisement qui est assez particulier parce qu'il y a eu une grosse crise dans les années 60 où la coquille, en fait, a... On va pas dire disparu, mais en tout cas beaucoup diminué. Et les pêcheurs à l'époque étaient tous issus du fond de la Rade de Brest. Ils étaient un peu paysans, enfin pas mal paysans. Et du coup, ils se sont dit, mais non, c'est pas possible. Nous, on fait des fraises l'été, enfin de l'agriculture et l'hiver. Donc ils se sont dit, tiens, On va essayer de voir les scientifiques, puisque voilà, si on peut faire des bébés coquilles. Et l'histoire de ce gisement, elle est belle, parce que c'est les pêcheurs qui ont pensé, en se disant, bah, peut-être qu'on peut semer des bébés coquilles. Et aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on a la seule closerie de coquilles Saint-Jacques, ici à Brest, enfin à Plougastel, au Tinduf, qui a été... Ça voulait dire qu'il y avait déjà des consciences de protection de la nature et de comprendre et de réfléchir ensemble avec des scientifiques, avec des gens qui peuvent se... pour trouver comment on fait. Puis on a trouvé, enfin, moi j'étais pas encore, mais ça a été trouvé en tout cas. Et aujourd'hui, c'est un système qui marche bien, mais qui a un coût parce qu'il faut quand même produire le naissin, tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, la technique, elle est trouvée et ça marche très bien. Et oui, je vous montrais coquilles Saint-Jacques tout à l'heure parce qu'on peut reconnaître les coquilles de semis, on peut reconnaître les croissances sur les coquilles. Et j'ai remarqué qu'il y a eu un stress en mai 2016 sur les coquilles et que je voulais effectivement, parce que j'en ai parlé aux scientifiques, parce qu'ici, en fait, on a la chance de se parler et de partager les choses parce qu'on travaille sur le même milieu. Et je trouve très... Enfin, il faut qu'on soit ensemble, oui, c'est important. Pour comprendre et pour savoir où on va et pour dire stop quand il y a besoin et puis dire bah voilà, c'est bon, on est content, ça marche. Enfin, mais il faut pas, enfin, oui, là je suis un peu pessimiste parce que ça fait 4 ans que c'est le déclin et qu'on voit pas de perspective d'avenir. Mais j'espère pouvoir dire dans quelques années, bah on a eu raison de se battre et on a eu raison de croire et on a eu raison de bosser tous ensemble parce que là, bah on a compris ce qui s'est passé et ça va mieux. Enfin, j'espère arriver à ça en tout cas. C'est mon but. Et en Galice, en fait, pendant, comme partout sur le littoral atlantique, les habitants des villages autour de la côte allaient ramasser les coquillages et qu'ils les vendaient pour subvenir aux besoins de la famille, et en particulier pendant la période de crise. À un moment donné, dans les années 90, en fait, on s'est rendu compte que les stocks de coquillages de l'Angalisse, ils étaient arrivés à leur fin. C'était la surexploitation des coquillages. Et elles ont été appelées par l'administration, en fait, en réunion, pour discuter avec elles et comment faire pour diminuer l'effort de pêche et aussi voir qui elles étaient, pourquoi elles étaient là, vraiment voir toute la partie sociale qui poussait ces femmes d'aller chercher des coquillages pour avoir de l'argent pour compléter les revenus familiales. Donc finalement, ils ont mis en place une licence de pêche. Et au début, on a estimé qu'il y avait à peu près 12 000 femmes qui pratiquaient ce métier en Galice. Elles ont proposé aux femmes de faire un plan d'exploitation des coquillages annuel qu'elles présentent tous les ans aux autorités régionales pour être approuvées. Et on est passé vers une professionnalisation. Et surtout, elles ont créé des groupes de femmes pour gérer en fait la ressource. Groupes qui ont intégré les organisations de pêcheurs locales, les cofradias, en tant que section indépendante. Elles ont structuré véritablement leur profession autour de la gestion de la ressource et puis au paiement des cotisations sociales pour avoir leur propre retraite et surtout être reconnues comme pêcheurs professionnels. Et finalement, le métier a changé de nom. Il avait un nom masculin et il est passé à un métier féminin. On les appelle les mariscadoras, au lien des marisquaires. Depuis, ces femmes, elles ont démontré aux hommes qu'elles étaient capables non seulement de gérer les coquillages, mais aussi qu'elles avaient des capacités d'être leaders d'organisation. Et elles ont pris le pouvoir de quelques cofradias pour hommes et femmes. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'une fois qu'on travaille avec les femmes et que les femmes démontrent qu'elles sont capables, les hommes partagent le pouvoir. C'est assez ralenti ? Ah non, j'étais en arrière. Ah, c'est l'embrayage. Ok. Je vais aller chercher le truc qui va venir avec moi. Je sais pas si j'arriverai à l'attraper. Je vais aller. C'est maintenant qu'il faut l'attraper. T'as besoin que j'aille avec toi? C'est-à-dire que quand j'arrive dessus... Bah si je te tiens. Ah si tu me tiens, comme les petits. Oui, mais c'est un fait que j'ai mal à ma jambe. Comme les petits qui apprennent à godiller. Je te tiens. Donne-moi la gaffe, tiens. Et c'est comme mort du copain derrière. C'est là, le traîneur est... envoyé en l'air. Je sais pas pourquoi il a coulé. Alors on va le rattraper. T'as ready? C'est parce que le... le flotteur est parti. Regarde. Mais non, ça c'était bon. Ouais. Si, son flotteur. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On lui laisse. On n'a pas un flotteur, nous. Voilà. Le corps mort de Thierry. Il a pas fait caca, les gars. Et lui, il a mis son bateau à Plougastel pour l'hiver, là, parce que je trouvais plus pratique, c'est plus près de chez lui. Alors. Manger pour les cormorants. Moi, je suis avec elle maintenant, mais j'ai fait 5 ans sur d'autres bateaux et elle avec un matelot. C'est les circonstances qui ont fait que je suis revenue avec elle. Mais j'ai fait 5 ans sur d'autres bateaux, des remplacements. J'ai aussi été sur un autre bateau avec un jeune qui commençait, et moi sur le pont pour pas qu'il m'a demandé de venir en me disant toi tu sais faire comme ça moi je m'occupe du bateau, de la conduite du bateau, de la pêche pour bien faire. Je suis tranquille si j'ai un matelot expérimenté derrière. C'est la bouée de l'avant. C'est sûr qu'il faut, c'est mieux de trouver un matelot expérimenté. Elle en trouvera, oui, elle a déjà fait. Elle prendra quelqu'un d'autre, elle a déjà pris quelqu'un d'autre. C'est déjà arrivé, c'est faisable. Voilà, c'est déjà arrivé et c'est bien, c'était très bien. Comment on fait? Comment on fait? Ben, j'ai emmené les choses à la terre. Pardon. Et il faut que je prenne aussi un... Est-ce que tu enlèves un peu d'eau? Comment? Est-ce que tu enlèves un peu d'eau? Ouais, je vais vider l'eau. Bon, je t'attends. Il y a une demi-clé là. Je vais me démerder. Il n'a pas plus ce matin, si. Ah si, bah oui, ça fait 30 kilos. Chacun. Viens avec moi. Lui d'abord. Attends. Sur le banc. Hop, ça va? C'est bon? T'es sûr? C'est comme ça? Bah, et après on revient à 3, donc il faut me donner un maximum de choses. Non, mais c'est entre tes guibolles devant là. Mets-le debout là devant le panier de devant là. Moi, je suis en train de me dire qu'il est temps que je me reconvertisse parce que justement, l'environnement va pas bien. Mais je trouve qu'il faut y aller. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire que c'est bien, qu'il faut essayer. J'ai pas envie de dire surtout n'y va pas. Pourtant, des fois, t'as envie de te dire ça parce que là, c'est un peu dur en ce moment. Et puis en même temps, bah, voilà, il y a tous les d'interdictions qui arrivent par là, par là, par là. Et qu'à un moment donné, tu te dis, je peux continuer, moi, à travailler, à gagner ma vie tranquillement, sans embêter personne. Et ouais, c'est un peu compliqué, tout ça. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là au niveau de la nouvelle politique des pêches qui est pas très. Voilà, ça complique les choses. Il y a des choses qui arrivent par l'environnement qui est pas terrible, par les situations économiques qui sont pas bien, mais c'est pas que à la pêche. Le gasoil qui est du coup devenu complètement discriminé là par rapport à. Enfin voilà. Et toutes ces choses-là, bah, ça a pas aidé les pêcheurs qui. Enfin. Comme je dis, l'intérêt de notre métier, c'est de vivre avec ce qu'on aime et c'est une qualité de vie qu'on recherche. C'est pas... Donc forcément que nos budgets ils sont tous un peu tirés, donc si on devient avoir des gros postes sur des endroits où il n'y en avait pas, ça va être compliqué. Salut. Attends, tu débarques pas parce que c'est... Vous avez envie de transmettre à vos enfants ce métier, cette passion ? Alors transmettre, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est de toute façon c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc les enfants à la maison, ils en entendent parler. Dès que je peux les emmener en mer, je les emmène en mer. Dès qu'on a des travaux à faire sur le bateau, le carénage, ceci, cela, ils viennent. Enfin, de toute façon, ils vivent avec. Après, ils sont quand même, ils aiment bien le bateau. Enfin, j'espère leur transmettre déjà par ce que je fais à l'âge qu'ils ont des belles choses, ouais, j'espère. En tout cas, moi je suis contente de ce qu'on fait, donc j'espère qu'ils comprennent et ils ont l'air de comprendre, ça a l'air de les intéresser. Ils aiment bien venir, ils réclament, donc, c'est que c'est déjà gagné. Ils ont un cousin, puisque j'ai un beau-frère qui fait la pêche à Camaret, mais lui il fait pas le dragage en rade de Brest, il fait que du filet, du casier. Donc voilà. Mais c'est. Enfin. En tout cas, vers chez nous, je suis la seule dans le port où on est à faire la pêche, à Plarzel. Et il n'y a plus que deux ou trois bateaux de pêche à Porscave. Dont un collègue à moi qui a mon âge. Mais sinon. Voilà. C'est. Pas beaucoup de. Comment on dit ? De renouveau. Maintenant, je dis, il faut essayer. Si on a envie de faire ça, il faut essayer parce que c'est bien. Avec, par ordre d'apparition, RL et Jeuneux, pêcheurs à Logona d'Aoula, Katia Frangoudès, chercheuse en sciences sociales, Kate, responsable d'une ferme de moules en Irlande, traduite par Pascaline Bonnet. Merci à Françoise Pencalette, à Elsa Vaillant, Jean-Michel Destin, Martin Walsh. Femme de mer, mixage Jean-Michel Coquin, réalisation Guillaume Baldi, un documentaire d'Arnaud Contreras pour la série documentaire France Culture. Je vais mettre la place. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez devenir patron de pêche, bibliographie, lien, nous podcaster pour le quart de nuit ou nous réécouter au port, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD, la série documentaire, pour voir des détails de l'intérieur de la Maison Ronde. Demain, troisième étape, sauveteur en mer.